En Corée du Sud, la solidarité nationale des femmes a organisé un rassemblement à Séoul le 8 courant, à l'occasion de son 10 ans, apprend-on du journal internet sud-coréen Tongnyeos. Y ont pris part les membres des formations civiles et sociales, telles que la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques, la Ligue générale nationale des sociétés paysannes, l'Alliance générale nationale des sociétés des cultivatrices, la direction féminine du Comité Sud du 15 juin, etc. La solidarité a appelé à dater une époque de la réunification indépendante. Elle a fait paraître le même jour un recueil de ses activités de 10 dernières années.